Bonsoir et bienvenue pour l'émission qui fait frémir votre disque dur, Big Brother in Games. Ah, je sais pas pour vous, mais moi je me sens plutôt bien, hein, plutôt bien reposé. Il y a plein de choses qui se sont passées depuis la dernière émission, et puis d'autres choses qui vont arriver, hein, bien entendu, comme par exemple le fait qu'on va passer à un format de une émission toutes les deux semaines, hein, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Et donc, la dernière fois, on s'était retrouvé avec des chroniqueurs assez particuliers. Du coup, je vous propose qu'on les retrouve ce soir encore. L'homme qui, depuis la dernière fois, a pris des cours de chant, je vous présente Clem. Bonsoir. Toujours aussi mélodieux ta voix. Exactement, je fais ce que je peux. Je m'améliore de jour en jour. J'en doute pas une seconde. Celui qui devrait coacher les meilleurs, mais qui se retrouve avec nous ce soir, Adri. On fait avec, mais toujours là. Et pour finir, l'homme qui se trouve derrière toutes les news croustillantes et coquines de la scène e-sport, un fervent supporter de l'écurie YP, merci d'être là, Ben. Je vous en prie, c'est tout naturel pour moi. Et donc maintenant que l'équipe a été présentée et qu'on est chaud pour vous faire cette émission, on va directement commencer avec la chronique de Clem. Et oui, on va commencer par du League of Legends. Et on va parler un peu du mercato. En ce moment, il y a toutes les équipes pro qui changent, les worlds sont finis, donc il faut bien que les joueurs changent d'équipe. On va voir un peu, on va décortiquer comment changent les joueurs et dans quelles équipes ils vont. Bon, ouais. On va commencer par l'Europe, le plus intéressant. Même l'équipe phare d'Europe, on va commencer par eux, c'est Fnatic, qui a perdu 3 joueurs. Ça a été annoncé, il y a eu leurs 2 joueurs coréens qui sont partis. Ils ont été achetés par une équipe américaine. Ils n'ont pas vraiment caché que c'était pour l'argent. Hein. Leur salaire aurait au minimum triplé. Donc, un truc quand même qui paraît normal, qui paraît intéressant. Hein. Les joueurs sont restés 8-9 mois en Europe. Et après, hop, on part aux États-Unis en triple salaire. Et monnaie, quoi. C'est clair. Leur nouvelle équipe, ça serait apparemment Immortal. C'est pas encore officiel, mais c'est ce que donne la plupart des rumeurs. Et la deuxième nouvelle pour Fnatic, c'est le joueur emblématique, l'un des joueurs emblématiques de la scène européenne, le français de l'équipe Fnatic, l'un des meilleurs supports du monde qui quitte également l'équipe, c'est Yellowstar qui est parti aux États-Unis. C'est pareil, c'est pas encore officiel, mais tout le monde le met chez TSM. C'est assez triste, hein, c'est vraiment l'un des joueurs les plus emblématiques de la scène européenne, mais il en reste plus beaucoup maintenant, il fait partie des tout premiers et il quitte la structure. C'est assez triste. Tu vas nous faire pleurer. Ah ouais, mais quand j'ai appris ça, j'étais triste. Ah bah on se souvient de la photo que tu nous as envoyée là, ça nous a fait mal au cœur. J'ai encore la larme à l'œil. Je suis désolé. En plus, il rejoint TSM, donc... C'est pas forcément mon équipe préférée au NA, quoi. Ah, ça c'est sûr. Ouais, ça m'étonne pas. Mais bon. Peut-être que maintenant il y aura du niveau NA, hein. Ils ont recruté pas mal de joueurs. Oui, bah à force, au final, on va regarder les NA plutôt que les Européens, si ça continue comme ça. Exactement. Jamais, c'est sûr. Jamais. Plutôt mourir. C'est ça. En tout cas, je vais continuer pour les Fnatic. On connaît, il y a des spéculations pour les remplaçants. Il y en a beaucoup, mais les plus récurrentes, ça serait Gamsu au top, qui est un Coréen qui jouait au NA lui et qui arrive en Europe, qui serait au top. Donc on aurait Spirit en jungle, qui est pareil, un Coréen qui s'était exilé aux États-Unis. Et le dernier, ce serait Kassing, l'ancien support des H2K, qui est parti chez TSM et qui possiblement reviendrait chez Fnatic. Bon, tout ça, c'est des spéculations. Pour l'instant, rien n'a été confirmé au moment où je parle. Parce que ça peut arriver vite. Hein. Ouais. Et pour les deux joueurs qui restent, Febibon et Reckless, eux, restent, on continue leur contrat. Après, chez H2K, donc comme je le disais, Kassing était parti et pourrait revenir chez Fnatic. Et les deux autres joueurs, ce sont Lulex et Proly. Enfin, Lulex, c'était le jungler, Proly, c'était le coach, qui ont quitté la structure. Eux, il n'y a pas de remplaçants qui ont été annoncés officiellement. Et Lulex n'était pas marqué comme agent libre, d'ailleurs, dernièrement ? Si, si, il est agent libre, il n'a pas de structure connue. Pour l'instant, on ne sait pas du tout où il est. D'accord. On ne sait pas s'il rejoindra une équipe. Sachant qu'il y a assez peu de junglers en Europe... Peut-être qu'il devrait normalement trouver une équipe assez facilement s'il y a des recherches de jungler. Du côté Origin, la deuxième structure européenne qui est devenue emblématique maintenant, hein, puisque en un an ils sont devenus une des structures avec le plus de fans, c'est Power of Evil qui a été recruté comme second midlaner. Et il a fait des débuts tout à fait convaincants avec la structure, avec un petit perfect des IEM sans procès. Donc on n'a pas de critique à faire dessus pour l'instant, c'est un bon recrutement et XPK s'effacera peut-être en faveur de Power of Evil dans le futur, on sait pas, hein, peut-être que XPK va vouloir prendre sa retraite. Du côté Unicorn of Love, on a Steve Back, notre petit français qui était chez Fnatic, qui était parti aux États-Unis, qui revient chez Unicorn of Love. Gilus et Fox ont été également recrutés. Ils ont joué aux IMM sans Rossé, mais eux ont été éliminés 2-0 dès leur premier match, donc ils n'ont pas vraiment performé, mais bon, la line-up venait d'être créée, donc on peut pas non plus trop leur en vouloir. Après, on a du côté de Gambit Gaming, là c'est une grosse info, c'est que Diamond Prox a annoncé que la structure n'avait plus les moyens de soutenir une équipe League of Legends et qu'ils étaient en recherche d'un acheteur pour leur slot LCS. Donc Diamond Prox quitte Gambit Gaming, Cabochard avait déjà annoncé qu'il quittait Gambit Gaming, Gozu Paper ou Edward, ça dépend, a annoncé aussi qu'il serait dans... Lui, il a annoncé qu'il serait dans une autre équipe en LCS en 2016, mais pour l'instant, Gambit ne sera plus là. On ne verra plus de Gambit au LCS. C'est assez triste, hein. C'était aussi la deuxième structure emblématique ouais, c'est clair. Qui quitte la scène. Bon, apparemment, ils n'ont plus les moyens de payer une équipe LOL, donc... C'est apparemment très cher. Voilà, c'est également l'info triste. Non, ça, c'est... Il y a beaucoup de tristesse aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de ça, j'aimerais faire une minute de silence pour... Oh non. On va rendre hommage à nos deux structures emblématiques. Il y a juste Julien qui fait une minute de silence, moi ça me marre. Moi aussi on marre. Ouais, dans ce sens-là, parce que... Comment je vous emmerde, d'ailleurs, je vais continuer. Pendant que Julien se tait. De toute façon, c'est mon animateur. Hein. C'est vrai. Pour continuer en Europe, c'est qu'il y a une rumeur qui annonce que Webedia cherche à acheter un slot LCS. Donc actuellement, il y a un deuxième slot LCS qui est en vente. Il n'y a pas que celui de Gambit, il y a aussi celui de Elements qui sera en vente. Donc Webedia a un peu le choix s'ils veulent vraiment en acheter un. C'est pas qu'une vaste rumeur anti-Webedia, mais bon, on sait pas vraiment vers qui ils vont se tourner. Peut-être qu'on aura bientôt une nouvelle équipe Millennium, encore une. Ah non, s'il vous plaît. Non mais ils continuent dans la tristesse là c'est même plus la tristesse. Là, c'est grave. Bon, pour continuer du côté de l'Europe, mais l'Europe qui s'est exilée aux États-Unis, donc comme je disais, alors j'ai parlé de TSM. Un petit village gaulois. Que bon, maintenant chez TSM, ils ont quand même trois joueurs européens. Ils ont Yellowstar, Svenskeren et Bjergsen qui lui est déjà là depuis longtemps. Donc Svenskeren vient de rejoindre l'équipe. Yellowstar, j'en ai déjà parlé. Et le dernier recrutement de l'équipe, c'est Double Lift. Le dernier recrutement important, que Double Lift est quand même un des carrés phares de la scène américaine qui passe de CLG à TSM, ça a fait beaucoup de drama au sein de... Ouais, c'est clair. De la communauté nord-américaine de League of Legends, et donc c'est un transfert quand même assez important. Bon, maintenant on va partir du côté de là où il y a du niveau, hein, vraiment, on va partir du côté de la Corée. Oh, bah oui. Bah oui, toujours. Puisque chez SKT T1, on a Marine, Tom et Easy Yoon qui sont partis. Donc Easy Yoon a annoncé qu'il était parti parce qu'il en avait marre d'être l'ombre de Faker. Et s'indignait un peu de la hype qu'avait Faker dans certaines circonstances, dans une interview qu'il a fait, où il expliquait qu'il était triste d'avoir vu à la fin de la finale de l'année dernière, quand la présentatrice a demandé qui est le meilleur midliner d'Europe, la foule a crié Faker alors que SKT et Faker n'avaient même pas été qualifiés à ces Worlds et que le midliner des Samsung n'avait absolument mérité bien le titre de meilleur midliner de cette année-là. Donc voilà, il était un peu triste de ça et il en avait un peu marre, donc il a quitté SKT. Les deux autres n'ont pas expliqué pourquoi ils quittaient, mais on connaît aujourd'hui juste le remplaçant en top lane. De toute façon, les deux autres étaient remplaçants. Donc le remplaçant, ce sera Duke, qui est un ancien joueur des Najin. Et en parlant des Najin, tous les joueurs sont partis de chez Najin. Actuellement, Najin n'a plus rien de LOL, hein, puisque ils n'ont plus de joueurs, ils n'ont plus de staff, les coachs sont partis. Ah ouais, pas mal. Hein. Les rats ont quitté le navire. Hein. Exactement, Najin doit complètement recréer une line-up. Et on a du côté aussi de KT Rollster qui a perdu 5 de ses 8 joueurs, puisqu'ils avaient 3 remplaçants. Il y a 5 joueurs qui sont partis. C'est un peu la désertion. J'ai aucune crainte pour eux, ils vont trouver des joueurs sur le ladder sans problème à mon avis. Le ladder coréen est assez intéressant pour ça. Sans déconner. Je pense maintenant qu'avec la mode qui a commencé à se faire d'aller directement recruter les joueurs en Corée, maintenant ça va s'exporter de plus en plus vite et de plus en plus facilement. Oui, donc, c'est sûr, il y a des chances. On va peut-être même commencer à avoir des joueurs directement recrutés du ladder coréen sur l'ANA ou le... Ah oui, il y a des chances, mais il y en a certains, j'ai pas d'exemple en tête, mais il me semble qu'il y en a certains qui ont été recrutés direct du ladder. Ouais. Ils sont passés par des teams pro. Et pour finir, je vais parler de la Chine. Donc du côté de la Chine, on a LGD qui a fait signer Marine dans son équipe. Et alors, ça a quand même un petit intérêt, hein, parce que d'après les rumeurs, c'est que Marine aurait signé le plus gros contrat de l'histoire de League of Legends, puisque il y avait plusieurs équipes qui voulaient recruter Marine. Donc Marine, ancien champion du monde, hein, de cette année, ça aurait fait un petit peu monter les chiffres. Donc aucun chiffre a été annoncé, mais les rumeurs disent que les chiffres sont très élevés, supérieurs aux millions de dollars, quand même. Ce qui est un record pour du League of Legends. C'est clair, putain. Mais ce qui n'est pas très étonnant au vu de sa performance des Worlds. Exactement. Oui, c'est sûr. Et même de sa performance tout court sur les dernières années. Hein. Mm-hmm. Oui, c'est sûr. Mais... Et donc, du côté de LGD, maintenant, on a quand même deux anciens champions du monde, vu que Imp a re-signé chez LGD. Donc peut-être que cette année, ils seront plus productifs et ne finiront pas troisième de leur groupe au World. Hein, ouais. Et peut-être qu'ils ne seront pas non plus éliminés au premier tour des UM. Bref, ça c'était pour LGD. C'était pour gratuit. Pour finir, exactement. Pour finir du côté de la Corée, on a Izhyun qui a signé chez VC Gaming. Et oui, parce que Vichy Gaming, c'est mignon, mais ce serait plutôt en France ça. Oui, mais bon, ce sera un peu moyen quand même. Donc, ouais. Je vais dire, à votre avis, il y aurait qui comme mec là-bas? Bienvenue à Vichy Gaming. Je préfère pas imaginer. Bah, la botlane Le Pen déjà. Ah, ça c'est beau, ça, j'aime bien. C'est à peu près ça, je pense. D'accord, ok. Bon, je veux pas en savoir plus maintenant. Donc, je disais, Izhyun a signé chez Vichy Gaming. C'est pas facile à prendre. Et vu qu'il a signé chez eux, Mata était obligé de partir puisqu'ils avaient déjà Dandy en coréen, donc ils pouvaient pas avoir trois coréens dans la même équipe. Donc c'est Mata qui est parti dans une autre équipe. Mais il est resté en Chine, on n'a pas encore l'équipe officiellement annoncée. Et le dernier point, et je finirai là-dessus, je vais parler du Brésil, parce que Dude a quitté les Pain Gaming et cherche actuellement une nouvelle structure. Donc peut-être, on peut espérer un retour de Dude en Europe, ou peut-être au NA, hein, s'il est pas. Voilà. Vu qu'ils ont l'air de faire des achats massifs. Notre petit français en a eu marre de Brésil, il cherche. Et c'était quoi la raison du coup de son départ pour le coup, tu sais pas? Pas précisé, mais ça n'a pas été précisé dans son interview, il dit juste que son contrat était terminé. Il n'y a pas plus d'infos que ça sur son départ. D'accord. Bon, on perd peut-être un support français pour en récupérer un autre du coup. C'est possible. C'est une possibilité. Ça serait bien. Ça pourrait faire plaisir un peu. Surtout que je pense qu'avec ce qu'il a fait au World, en revenant en Europe, il gagnerait bien en fanbase, je pense. Ah oui, je pense que sa fanbase serait élevée. Après, je sais pas s'il a le niveau de jeu pour être dans une top team européenne. Mmh. Bah ça, maintenant, l'avenir nous le dira, les mecs. Hein. En tout cas, merci Clément pour cette magnifique chronique. Hein. Bah, merci à toi, Julien. Mais de rien, je ne fais rien d'autre que te donner la parole. Et donc, c'est déjà. Oh. Toi, t'as un truc à me demander après, non? Je sais pas. Mais on en parlera plus tard, c'est pour mes augmentations. Ah ouais, tu sais que de toute façon, c'est bénévolement que tu nous fais ça là. Oui, oui, oui. D'accord, ok. Je voulais juste te remercier pour la minute de silence. Comment je vous hais, les mecs. Et tellement je vous hais, je vais passer un son que Adrien a choisi pour vous. Et c'est plutôt deux sons même qu'on va vous passer. Ouais, deux sons tirés de Scott Pilgrim. Threshold et Garbage Track. I'll take you for a ride. I'm a garbage truck. I take you to the dump, 'cause you're my queen. Take your town, I sights, you know you wanna ride. I'm a garbage truck. Truck, truck, truck. We'll pass the mansions by. Drive right through the needle's eye. Oh my. My, my, my, my. I got a stereo. You just gotta turn the knob, and maybe we'll go as far as we can. I'll be your garbage man. I'll take out your junk and I'll crush it down. Jesus in my rear view, and the highway patrol is up ahead. In my garbage truck, truck, I'll never throw you away. When you're old and gray, we'll just roll it away. We are Sex Bob-omb, and we're here to make you think about death and get sad and stuff. I'm hearing voices, animal voices, the tremble of cool, the feminine of it. S'écouter Threshold et Garbage Truck tiré du film Scott Pilgrim, et tout de suite on va retrouver la chronique de jeux indépendants faite par Adrien, l'homme qui bientôt vous fera des vidéos pour vous vendre quelque chose sur YouTube, très certainement, encore une fois, hein, comme les milliers d'autres. Et donc allons-y, peut-être la caméra, mais ouais. Et donc retrouvons-le tout de suite pour sa chronique. Ouais, salut à tous. Donc pour cette semaine, je vous ai trouvé deux petits jeux que j'ai trouvé bien sympas. Alors on va commencer tout de suite avec Yotun, qui est un jeu développé et publié par Thunder Lotus Gaming. Alors Thunder Lotus Games, qui est donc un petit groupe de 7 personnes basées au Québec, et qui ont fait donc un petit jeu d'exploration-aventure sur le thème de la mythologie scandinave. Donc Yotun est un jeu en 2D en vue top-down. C'est un terme pour dire en gros que ça ressemble beaucoup à de la 2D isométrique. D'accord. Et donc on incarne Fora, une viking qui a eu la malchance de ne pas mourir au combat. Et donc du coup qui n'est pas mort glorieusement selon la mythologie scandinave. Et qui donc va avoir une deuxième chance auprès des dieux pour prouver sa valeur. Donc moi ce que j'en ai trouvé de ce petit jeu là, c'est que d'abord c'est super beau. En fait le jeu est tout fait en dessin à la main. Toute l'animation, c'est du dessin à la main. D'accord. Et juste, ça claque, quoi. C'est juste trop beau. Le mec qui est à la base du projet était game designer. Et franchement, je crois qu'il connaît son boulot, celui-là. On a énormément de plans larges qui permettent beaucoup d'apprécier justement les dessins et les couleurs du jeu. Et ces plans larges aussi permettent vachement de se sentir tout petit, en fait, par rapport au monde qui nous entoure. Les boss aussi qu'on va fighter sont beaucoup en plan large, donc du coup on est minuscule à côté du boss qui est juste énorme. Et j'avais trouvé ça bien fun parce que ça donne pas mal d'épicness un peu, comme je dirais. C'est un petit peu dans le délire de d'un God of War, je dirais. Ah ouais. Boucherie en moins, la boucherie en moins. On est bien d'accord. Mais voilà, on a ce côté petit soldat de 1m50 contre dieu de 3 km, je dirais plutôt. Donc, voilà. Oui, effectivement, ouais. Au niveau de l'ambiance, j'ai trouvé l'ambiance super cool. On a des bonnes musiques, façon un petit peu. Ça m'a un petit peu fait penser, moi, au Seigneur des Anneaux. Et toutes les voix sont en islandais. Donc, du coup, au niveau de l'immersion, je trouvais qu'on était pas mal. Après, c'est un jeu qui. Alors, justement, je parlais de God of War. On est sur un jeu qui est vraiment beaucoup plus phase de recherche et puzzle game plutôt que baston. Par contre, quand on est en mode baston. Déjà c'est dur et c'est assez épique quoi. C'est genre soit on se bat contre comme je disais un boss de 3 km de long et de large, soit on se bat contre 200 petits bonhommes d'un coup. D'accord. Ouais, t'as pas le juste milieu, c'est soit c'est le super dude, soit c'est le non, super crowd. T'as vu cet accent c'est de ouf. De ce côté-là, au côté de le sang en moins, mais la même épicness comme je disais que j'avais ressenti en jouant à God of War. Moi, le point qui me chagrinait beaucoup dans ce jeu, c'est la vitesse du personnage. Comme je disais tout à l'heure, on fait beaucoup plus de recherche et de puzzle que de baston. Et bah, quand on a un perso qui avance à 2 à l'heure, qu'on a une vue en plan large, et que tu sens que tu dois traverser l'écran, et bah, tu trouves le temps long d'un coup. Tu trouves le temps vachement long. En fait, c'est pas compliqué. En jouant au jeu, j'ai passé mon temps sur la gâchette du dash, quoi. Et avance Thora, tu peux le faire. Tu vas y arriver, vas-y. Donc voilà, c'est le petit point que j'avais trouvé qui rend le jeu un peu longué et voilà, c'est pour moi son plus gros point faible. Sinon, on est sur un jeu assez cool, donc il est à 15€ sur Steam. Il y a grosso modo, alors non, je dis pas de bêtises, il n'y a pas de grosso modo. Il y a une dizaine de niveaux pour 7 boss. 7 dieux d'ailleurs à défoncer, donc ça va chercher dans les grosso modo 5-6 heures de durée de vie. Donc franchement, voilà, pour 15€, on est sur un petit jeu bien sympa. Voilà que je conseillerais à des fans de jeux d'aventure et à des gens qui aiment aussi le challenge. Parce que, bon, par exemple, sur les fights sur les boss, on est clairement sur un die and retry. Il va falloir apprendre les patterns pour bien éviter les coups et contre-attaquer correctement parce que ils font mal. Hein. Ils font mal. Oh, tu te bats contre des dieux quand même. Hein. Ah, voilà, respect. Et alors, le deuxième jeu, alors on change complètement d'univers, c'est Beat Hazard, qui est développé par Cold Beam Games, et qui est en fait juste un mec. D'accord, ok. C'est juste un mec, par contre, j'ai juste trouvé le nom de sa boîte, parce que le mec parle de lui comme quoi il a développé le jeu tout seul ou quoi, mais je donne jamais aucune info. Donc voilà, tout ce que je sais, c'est que sa boîte, c'est Cold Beam Games, qu'il a produit un jeu obscur en 2009... Qui est balancé sur le Xbox Live, mais voilà, j'ai pas trouvé plus d'infos que ça. J'aime bien le jeu soir. Obscur. Ah bah, vraiment obscur parce que j'ai vraiment trouvé zéro info dessus. Ça doit s'appeler The Visualizer et c'est tout ce que j'ai. Si jamais vous tombez dessus, courez. Courez. Si vous avez des infos à propos de ce jeu, contactez-nous. Donc voilà, aujourd'hui il revient avec ce petit jeu Beat Hazard qui est à 7€ maintenant sur Steam et qui est en fait un arena shooter. Pour ceux qui ne savent pas, un arena shooter c'est un peu comme un shoot 'em up. Donc vous voyez le petit truc avec l'avion qui avance et les ennemis qui arrivent sur l'écran à shooter. Là c'est exactement la même chose, sauf qu'un arena shooter en fait l'écran ne bouge pas. Les ennemis viennent dans l'écran. Donc ça peut venir aussi bien d'en haut, d'en bas que sur les côtés. Et le délire avec Beat Hazard, c'est qu'il n'y a pas de niveau. Les niveaux sont créés en fait par la musique qu'on va ajouter dans le jeu. D'accord. Donc le délire, ouais. Donc du coup, en fait, le délire, c'est qu'on va pouvoir jouer avec sa propre musique et que c'est notre propre musique qui va créer le rythme du niveau. Donc du coup, je trouvais ça vachement fun, ouais. Parce que c'est un jeu qui juste combine le fun de l'arcade avec le fun que tu vas avoir de jouer avec tes propres musiques. J'avoue. Donc un tap-tap dance, sauf que t'es même pas obligé de te faire chier à danser. Tu peux juste défoncer du mob. Ouais. Comment ça? C'est trop cool. voilà, un jeu vachement fun, qui est jouable à deux, et à deux je l'ai trouvé beaucoup plus fun encore. Soit en coop, soit en compète, donc je veux dire, que demande le peuple, hein. Le seul point que je vais avoir à revenir sur ce jeu, c'est que bah, c'est pas compliqué. Quand tu allumes le jeu, il commence à te faire une petite explication comme quoi faut faire gaffe parce que c'est peut-être dangereux pour les personnes épileptiques. J'ai envie de dire, moi je suis pas du tout épileptique et j'ai cru que j'allais faire une crise quand j'avais mon jeu. Ils ont un petit peu. Il a un petit peu abusé sur les effets spéciaux et les flashs. Il en a trop pris, c'est gros. Ah là, il en a beaucoup trop mis. En fait, c'est pas compliqué. Quand j'ai lancé le jeu, ça m'a flashé la gueule. Je suis parti direct dans les options et j'ai diminué de moitié les effets spéciaux. Ah, quand même. Et ensuite, j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais peut-être commencer à voir quelque chose sur l'écran de jeu. C'est pas mal, ça. Oui, ça envoie. Enfin, on peut monter les graphismes, enfin les effets jusqu'à 200%. Bon, à 200%, ça y est, tu vois plus rien. C'est terminé. Tu te prends un LSD et t'es parti. Mais voilà, à part ce petit souci du flash, enfin des effets spéciaux qui partent un peu en couille, pas grand chose à redire. Franchement, c'est fun, c'est pas très cher. Il y a de quoi s'amuser. Pour les fans de musique et d'arcade, servez-vous, les gars. Et voilà, c'est combien? Beat Hazard, ça s'appelle. Non mais c'est combien du coup le prix? Ah, c'est combien? Moi, je l'ai déjà dit, c'est 7 euros. Mais Benjamin n'écoute pas. C'est pas cher. C'est pas cher. Mais non, bien sûr qu'il écoute pas Benjamin, il est tout le temps en train de rédiger sa chronique juste avant. Donc voilà, donc Yotun, pour ceux qui veulent se la jouer petite aventure calme, et Beat Hazard pour ceux qui veulent des petites parties en diablé sur du métal, ça passe tout seul, c'est testé et approuvé. Yes, bah merci Adrien. Tu vois, je suis juste un tout petit peu déçu de ta chronique parce que t'as commencé à parler de God of War. Du coup, je me suis dit qu'à un moment, t'allais parler de boobs. Et sur le deuxième jeu, tu vois, j'ai attendu jusqu'à oui, la fin, mais... Bah, tu contrôles un perso féminin, mais bon, elle est toute en armure et tout, et... Y a pas bon, boobs. Elle est pas plus jolie que ça non plus, donc bon... Voilà. Bon, tu peux pas dire que c'est un vrai God of War-like, quoi. Non, on est juste... Non, je dirais pas ça, je dirais juste que... Voilà, on retrouve le délire de se battre contre des dieux, le côté mythologique, mais voilà, on s'arrête là. Sniff, je suis très triste, et sur cette grosse émotion de ma part, on va tout de suite balancer Clones of Clones avec leur chanson « Bully ». And cross them off one by one. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai trouvé que c'était plutôt sympa cette chanson Bully de Clones of Clones, remake. Hein. C'est correct. Ouais, c'est pas mal. C'est cool. Ah, ça passe plutôt bien, hein. Je sais, je trouvais ça sur SoundCloud, j'étais plutôt fier de moi. Et donc maintenant, on va aller fouiller dans les petits dossiers croustillants, alléchants même, je dirais, qui se trouvent à l'intérieur de l'e-sport. Et celui qui sait le mieux trouver ces petites infos et qui aime bien grappiller un peu partout, c'est Benjamin. Absolument, oui. Alors moi, bon bah c'est Benjamin, et comme la semaine dernière, on va continuer sur les infos de la semaine, du mois, de pas mal d'infos qui ne servent à rien, mais qui sont utiles quand même. Toi, tu donnes envie aux gens d'écouter ta chronique, toi. Alors, la première fois, on a dit que j'avais un très bon marketing. En fait, c'est de la psychologie inversée. Tu vas voir, ça marche très très bien. Alors, du coup, concernant les infos, on va commencer par la DreamHack Winter. Donc, la DreamHack, c'est un tournoi de jeux vidéo qui regroupe plusieurs choses, notamment du CSGO, on a du Hearthstone, on a du Heroes of the Storm, on a du StarCraft dans certaines d'entre elles, pas à chaque fois. Et du coup, là, on va commencer avec CSGO, avec la victoire de Fnatic, donc de la coupe Face It, dont la finale se déroulait à la DreamHack, avec une victoire sur Luminosity Gaming, qui est une équipe brésilienne. Ils sont passés en finale de Fnatic suite à une victoire sur Virtus Pro, une autre plus grosse équipe en fait de CSGO. Je crois que c'est top 5 hein, à peu près là. On parle de top 5. C'est une équipe russe, dont j'avais déjà parlé d'ailleurs la dernière fois, notamment avec leur sponsor ou leur mécène donc, qui avait filé 50 000, c'est ça non? Ouais, même un peu plus, j'ai plus le nombre exact en tête, mais c'était assez. Assez énorme. Bonjour, je suis un administrateur russe et veux donner un rien. Et bah dans ces cas-là, je pense que tu fais ce qu'il te dit. Mais là, malheureusement, ils ont perdu en demi-finale contre les Fnatic. Et donc les Fnatic qui s'offrent encore un tournoi là, cette année. Faut dire que pour moi, ça fait 2 sur 2 avec leur nouveau joueur, Denis. Donc c'est plutôt une bonne chose pour eux. Ça veut dire que ça marche. Tant mieux pour eux. Et on va continuer encore une fois avec Fnatic, toujours à DreamHack, mais cette fois-ci sur un autre jeu, sur Heroes of the Storm. Parce qu'ils ont gagné aussi la finale du tournoi Heroes of the Storm. Donc Heroes of the Storm, c'est le MOBA de Blizzard, pour ceux qui ne connaissent pas. Et alors, faut être honnête, par contre, cette victoire-là contre Team Liquid a été beaucoup plus compliquée. Et je vous conseillerais de voir la fin des jeux, parce que c'était assez intéressant. Mais pour Fnatic, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça fait un petit tournoi avec 2 finales gagnées. Ça reste correct, malgré, comme nous l'a dit Clément au début, ils perdent 3 joueurs sur League of Legends, ils perdent un peu leur équipe. Ils se rattrapent à un autre endroit, donc c'est pas mal non plus, on va dire. Il y a de quoi faire. La finale de Heroes of the Storm, faut absolument voir, je sais pas, les 15 dernières secondes, quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. C'est vraiment à voir. Mais il a raison. C'est du Heroes of the Storm à regarder. Les 15 dernières secondes, tu regarderas, tu comprendras ce qui se passe et tu feras what the fuck. D'accord. Je trouve ça un peu particulier quand même. Hein. T'as besoin que de 15 secondes pour comprendre ce qui se passe dans Heroes of the Storm. Bah, c'est un MOBA après. Hein. C'est pas non plus, quand tu le connais là, tu connais les MOBA. Ouais, voilà. Pardon, maître LOL. Grand maître Ken. Et du coup là on va partir sur du Hearthstone avec l'équipe Team Liquid qui a en fait signé Elky dans son équipe en tant que joueur Hearthstone. Alors il faut savoir que Elky c'est quelqu'un de super connu dans le milieu de l'e-sport français, parce que ça fait à peu près 15 ans qu'il est dans l'e-sport, 15 ans qu'il supporte, de son vrai nom c'est Bertrand Gospelier. Et bon bref, super connu, et il a choisi de se mettre sur Hearthstone après toute une série sur le poker. En fait, il a été sur le poker pendant un petit bout de temps, poker compétitif, hein, je parle, et avant il était sur StarCraft, le premier du nom, et StarCraft Broadwars. Donc du coup c'est quand même un grand nom d'e-sport en France. Moi je vous souhaite, même dans le monde hein, d'ailleurs, je souhaite plus de chances possible dans Hearthstone en espérant qu'il va péter les culs, donc ce serait cool. Mais bon. Surtout parce qu'il est français et que Cocorico, voilà. Ah, ouais, non, mais c'est super sympa la manière dont tu le dis, t'es à peu près respectueux, et puis j'espère surtout qu'il va revenir et botter les culs un peu là quand même. Hein. Ah ben le tir hein, quand c'est français, moi j'aime bien. Oui. C'est le premier joueur, pro en sport électronique français. C'est vraiment le premier joueur pro. Oui, c'est vrai que c'est le premier qui a été reconnu en tant que joueur, c'est vrai exactement. Bah, c'est pour ça qu'il est aussi autant légendaire, autant aussi connu. Et alors du coup, je vais pas continuer sur la France, mais je vais continuer sur Hearthstone pour le moment. Avec justement la DreamHack, comme je disais, ils ont aussi une partie Hearthstone. On a vu la victoire de Purple, qui a fait ça sans deck paladin de tout le tournoi, donc c'est assez impressionnant pour la méta du moment. Et il faut noter aussi qu'il avait utilisé un Maligo Shaman en demi-finale, si je dis pas de bêtises. On passe maintenant sur un nouveau jeu qui est sorti en bêta il n'y a pas si longtemps que ça, ça fait un peu moins d'un mois maintenant, un peu plus d'un mois pardon. C'est Overwatch, donc le nouveau FPS de Blizzard, qui est un jeu réputé pour être extrêmement vif et rapide, avec un bon nombre de phases de défense et d'attaque. Et il y avait le tournoi AlphaCast et le Tournament, qui est le nouveau tournoi européen pour ce jeu-là. Et on a vu la victoire de Melty Sport Club, et là encore une fois, attendez-vous à quoi? Attendez-vous à Cocorico, parce que c'est un club 100% français qui a survolé tout le tournoi en perfect, sur tout le long. Donc ça c'est magnifique. Et encore une fois, c'est comme je disais, c'est un jeu très rapide, avec une phase d'attaque et de défense. Ils ont été extrêmement efficaces sur la phase d'attaque, extrêmement agressifs. Et ils ont réussi du coup à vraiment exploser tout le monde sur ce tournoi, donc encore une fois, yes, la France est là, et elle vaincra. Bref, on va continuer encore une fois avec de la France, parce que la France c'est bien. Côté Starcraft, c'est fait. Moi, où est-ce que t'habites, non? Oui, non, c'est j'habite en Irlande, je supporte la France. Ah non, sans déconner, quoi. Putain, je croyais que t'étais pour le Portugal. Attention, aujourd'hui, chronique nationaliste. Ouais, c'est ça, quoi. Le mec, il y a le FN qui t'a appelé juste avant ou... Non, mais c'est qu'il y a des bonnes nouvelles pour l'e-sport, donc voilà, faut contrebalancer un peu. Entre Cocorico et Vichy Gaming, ça va. Non, j'avoue. Les mecs, vous m'aviez pas dit, quoi. C'est une chronique à thème. Revenons à quelque chose d'un peu plus sérieux. Côté StarCraft, du coup, donc les Français de Haut Gaming. The Nation Wars 3, le tournoi par nation de StarCraft 2. Ça s'est lancé il n'y a pas très longtemps. Et, désolé, mais on a encore une bonne nouvelle, c'est que la France a gagné contre l'Australie et la Suède, avec une superbe performance de Marine Lord qui s'offre un 10-1 et un double all-kill. Alors, je vais tout expliquer. Alors, parce que là, franchement, j'ai l'impression que tu me demandes de te faire un Bloody Mary, quoi, limite. Hein. Bref, donc, du coup, en fait, le all-kill, il faut savoir, donc, dans un tournoi par équipe de StarCraft, la plupart du temps, on met un joueur et le joueur reste jusqu'à temps qu'il perde une game. C'est un peu ce qui s'est passé là avec Marine Lord, parce que Marine Lord, en fait, il a tout simplement gagné contre tous les Australiens et tous les Suédois. Bon, plutôt mastoc quoi, le costume. Il a clairement qualifié la France à lui tout seul, hein, faut le dire. Alors, il faut savoir que c'est un système de coups que moi j'ai trouvé assez compliqué, un peu étrange pour le coup. Il faut savoir qu'on a perdu contre la Pologne, principalement avec Narcio forcément, mais on passe quand même en quart parce qu'on a gagné le loser bracket. C'est-à-dire qu'on a perdu une fois et ensuite on a gagné contre l'Australie et la Suède, donc du coup on passe. On est qualifié du moins pour les quarts de finale. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu étrange parce que c'est quand même. Faut suivre. Sinon les autres personnes du coup qualifiées, enfin les autres pays plutôt qualifiés, c'est la Pologne, forcément, l'Ukraine et la Chine. Alors il faut savoir qu'il reste encore deux groupes qui n'ont pas été finis, donc on ne sait pas encore qui sont les deux autres qualifiés, les quatre autres qualifiés pour ces quarts de finale. Et on continue avec les petites nouvelles du StarCraft encore une fois, avec le dernier gros tournoi officiel de Heart of the Swarm, donc la dernière extension, du coup maintenant l'avant-dernière extension de StarCraft, qui a vu le couronnement de SOS, S-O-S, face à Life. Donc SOS c'est un énorme joueur, Life aussi, ça lui permet d'avoir un quatrième titre pour SOS, donc c'est quand même assez intéressant. Alors il faut savoir que cette extension donc est finie au niveau compétitif, enfin au niveau des gros tournois compétitifs. Il y en aura toujours bien sûr de temps en temps, mais ce sera pas rediffusé autant que ça l'a été. Et donc du coup maintenant, vu qu'il y en a une qui a fini, forcément il y en a une nouvelle parce qu'on parle de StarCraft quand même. Donc c'est la nouvelle extension Protoss entre guillemets, parce que la campagne est plutôt Protoss qu'autre chose, Legacy of the Void. Alors, bon, je veux pas spoiler, mais si jamais on connaît bien l'histoire de StarCraft et qu'on l'apprécie, va falloir sortir les mouchoirs parce que vous allez pleurer. Et clairement, c'est extrêmement triste. Je suis désolé de continuer dans une note très triste. Non, mais à partir de ce moment-là, je pense que je vais te mettre les. T'es la musique de la liste de Schindler derrière. Oui, c'est tout à fait ça. Et pour tous ceux, par contre, va falloir que tu prennes des cours de comédie. Je suis désolé, mais je peux pas te laisser mettre des trucs pareils. Il y a un peu plus de drama dans ta voix, tu vois. Crois-y, putain. Ouais, non, mais... Désolé, mais moi, en fait, là, c'est bon. Là, je suis un peu passé au-dessus. C'est bon, j'ai vu l'histoire. Je me suis fait une raison. Mais c'est vrai que c'est quand même assez triste quand on connaît bien l'histoire, qu'on l'apprécie. Comme ça. On a l'impression que t'es en train de parler d'une de tes ex, sérieux, quoi. Je suis passé par-dessus maintenant. J'ai tout laissé derrière moi. Ouais. Eh ben non, pas tout à fait tout. Parce que, comme je l'avais prédit dans la dernière émission, c'est le retour de la team YP. Ah. Ça vous plaît, hein. Ouais. Ah, ça vous plaît. Ouais, mais grave, il faut avouer quand même, les mecs, hein. Ça m'étonne pas de vous. Bref. Et du coup, ils recrutent. Donc, ils recrutent pour deux choses. Trois choses différentes, pardon. En fait, la première chose qu'ils recrutent, c'est un community manager, entre guillemets, pour être exact, un social media correspondent, donc c'est plus un relation presse, et community manager. Donc voilà, parce qu'ils ont besoin de faire dans le contact, pas physique pour le coup, mais plus communication. Ils changent un petit peu. Et d'ailleurs, c'est pas dans les habitudes non plus, mais là, ils cherchent aussi des équipes de CSGO, donc si jamais vous êtes bon, je vous conseille parce qu'ils cherchent deux équipes en fait, pour être exact, une équipe féminine et une équipe masculine. Donc encore une fois, ça m'étonne un peu de leur structure, parce que normalement ils font plus dans la mixité et dans la diversité. Bon, par contre, après, que ce soit une équipe, bon voilà, ça m'étonne pas, ils aiment bien faire les trucs entre eux. C'est plutôt correct. Et la dernière nouvelle concernant la team YP, c'est maintenant la première team au monde à avoir créé un t-shirt où ils se censurent eux-mêmes. Et oui, ils viennent de créer leur nouveau t-shirt où en fait ils ont tout simplement flouté sur le t-shirt. Pas l'abréviation, mais le team YP s'est flouté. Il reste plus qu'un seul bout du logo. Pour la simple et bonne raison qu'en fait ils se sont fait censurer par le Capcom Cup Tournament pour 2015 là, et donc du coup ils ont décidé de réagir en tout simplement donnant à Valmaster, donc leur premier joueur pour cette cup, un t-shirt déjà censuré. Comme ça ils disent bon bah au moins vous voyez, nous on fait pas de conneries, on ne montre rien, on censure nous-mêmes ce que vous voudriez censurer. Donc bon voilà, c'est quelque chose de beau, et en même temps c'est quelque chose que je comprends pas tout à fait, le fait de s'auto-censurer comme ça. Et je voulais savoir si qu'est-ce que vous en pensez justement d'un sponsor comme celui-ci. Ils se font censurer quasiment à chaque compétition, hein, faut le dire. Donc du coup, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour l'esport? C'est une mauvaise chose? Franchement, moi, je te dirais ce que je pense là, c'est que avec ces conneries, maintenant, il va falloir ressortir la passoire qu'on utilisait pour Canal+. Hein. J'avais envie de dire la même chose, mais alors Julien m'a coupé l'herbe sous le pied parce que je voulais dire exactement la même. Mais en tout cas, oui, en tout cas pour eux, c'est un coup de com' assez exceptionnel parce que ils montrent qu'ils ont même pas besoin de montrer leur logo pour que tout le monde les reconnaisse. Ouais, c'est clair. Ça. Et Adrien, du coup, moi après, je trouve que pour la crédibilité de l'e-sport, moi j'ai du mal à. Je préférerais voir des sponsors un petit peu plus sérieux que des sites porno. Je trouve que ça renvoie trop à l'image publique, à l'idée que les gens se font des mecs qui jouent aux jeux vidéo et qui seraient des asociaux qui sont bons que à regarder des pornos. Donc bon, j'ai un peu du mal avec ça. Alors merci de casser l'ambiance, hein, de base. Ouais, mais je suis là pour gueuler. Voilà. Arrête, essaye pas de nous faire croire que oh, j'en ai marre du porno, viens tout le temps m'emmerder, hein. Tu vas bien tranquillement toi aussi dessus. Ah ouais, mais justement là, ça va servir à quoi d'avoir mon abonnement si tout le monde se ramène? Sérieux, c'est pas, y avait une raison derrière. Ça y est, okay, je comprends aussi. Depuis la sortie de Fallout 4, tu sais que Pornhub a perdu 25% de trafic, hein, donc Bah ouais. Ouais, il y a des sites où il y a des sites où il y a de la place. Tu peux y aller un peu plus incognito là-bas. Ouais. Ouais, c'est clair. Bon bah du coup bah voilà, moi c'était les principales infos de ces derniers temps et les plus importantes surtout. Eh bien, en tout cas, merci Benjamin hein, pour ta chronique. Maintenant, on en sait un tout petit peu plus sur plein de choses, hein, comme du Counter-Strike, comme les Français bottent des culs, comme quoi t'as été payé par le FN, comme quoi je sais pas. T'as... Et YouPorn, bien entendu. Hein, ouais. Mais ça, en même temps, je pense qu'on est un peu tous payés par YouPorn. Non. Si. Non. Si, les mecs, vous mentez pas à vous-même. Si. En tout cas, hein, un truc qui n'est pas payé par YouPorn, c'est la prochaine musique qu'on va écouter, qui est tirée du jeu Hotline Miami, et on se retrouve juste après. We'll be right back. Et maintenant, je vais vous présenter mon coup de cœur dernièrement au niveau des mangas dans la chronique que l'on appelle la cave asiatique. Et non, encore une fois, je ne vous parlerai pas d'un manga avec des tentacules ou des trucs comme ça, comme Adrien attend que je le fasse depuis le début. Parce que non, ça n'arrivera pas. Non, je ferai pas. C'est contre nature. Arrête ça tout de suite. Et pourquoi ta chronique s'appelle la cave asiatique alors ? Donc, hein, je vais directement vous parler du manga que j'ai choisi de vous expliquer un peu, de décortiquer pour vous. Et donc, c'est un manga qui est tout récent. Ça doit faire quoi, à peu près une semaine qu'il est sorti. Et ça s'appelle Battle Wabbit. Donc, avant de juger, hein, je vais vous demander déjà de me laisser le temps de vous faire un petit pitch. Et donc, on y va. C'est parti. Kokoryu Kaguya. Ça, c'est notre personnage principal, a un passé assez perturbant. Voilà, on va dire que quand il était tout minot, son père est tué devant ses yeux par des assassins, que personne ne croit que son père a été tué par des assassins. Du coup, on t'envoie chez tes grands-parents qui n'aimaient pas ton père, donc qui t'aiment pas en gros, donc enfance de merde. Puis arrive la sœur de ton père qui commence à vouloir que tu vives avec elle. Donc en gros, on peut se dire que toute l'enfance de Kaguya, parce que c'est comme ça qu'on l'a appelé, parce que Kokoryu, à chaque fois on va dire que je me fous de sa gueule, et c'est pas vrai, hein, ça a l'air assez cool quand même. Donc on va dire Kaguya. Donc Kaguya. Benjamin dit déjà assez de Kokoriko comme ça, on va se calmer sur le coup. Ouais, non, grave, c'est. Non, ça, t'as raison. Derrière, t'es genre, ouais! Enfin bon, voilà, on va dire que Kaguya a eu une bonne enfance de merde. Mais en fait, tu vois, Kaguya, même avec cette enfance comme ça, tu vois, c'est un vrai bon japonais de manga, c'est le mec, il va bien, il est peace. Bon, alors sa première apparition, c'est pour botter des culs et prendre une pose cool sur un fond blanc avec des ombres. Donc on sait tous ce que ça veut dire, déjà, hein, si vous avez tous lu un manga dans votre vie, ça veut dire que le héros est plutôt dark et que du coup, il va faire plein de conneries et nous casser trop les couilles. Donc déjà, ça part comme un manga normal, de base, bien sympa. Mais sinon, tout pépère le mec, hein. À la pisse. Puis là, on se retrouve amené dans un univers. C'était un peu comme si on avait un mix de Bleach en ce qui concerne les dessins. Et pour l'histoire, ça se rapprocherait plus d'un Sousui no Gargantua. Donc vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. L'histoire principale, ce qui englobe, ce qui fait le manga, c'est que les aliens, ça existe vraiment. Et par exemple, les démons sont des aliens. Donc, dans ce manga-là, c'est appelé les Oni. Mais c'est des démons pour nous, quoi. En ce qui concerne les humains, eh ben, on n'est pas assez développé pour faire partie d'une union galactique quelconque. Enfin, on n'est pas assez développé et on est obligé d'être protégé par la meilleure amie de la Terre. C'est qui la meilleure amie de la Terre? Allez, les mecs, faites-moi plaisir. Réponse A. Oh, putain. La Lune. Oh, comment ils sont tous morts. J'ai répondu d'abord. Ouais, non, bien. Mais les deux autres, ils sont bien endormis au fond de la classe, la tête sur le radiateur. Mais non. Benjamin, c'est ce qu'il a fait toute sa vie, tu vois, pour lui demander de faire autre chose maintenant. Ah, c'est vrai. Eh bien, tu as raison, Adrien. C'est la réponse A, la Lune. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans le délire même, et comprendre hein, pourquoi ils ont dû arriver à cette idée, c'est que sur la Lune, comme ceux qui ont lu Dragon Ball le savent, il y a des lapins. Mais si, souvenez-vous, c'est avec le gang à Toto, le lapin géant qui transforme Bulma en carotte. Passage un peu what the fuck, by the way. Et voilà, c'est ça. Et donc maintenant, vous voyez où je veux en venir. Et bah ouais, les personnages qui nous protègent, nous les terriens, ce sont des Battle Wabbit, des unités d'élite envoyées pour exterminer les démons présents sur Terre. Et donc ça pote vraiment des culs et c'est tout kawaii. Donc ça va plaire aux filles et ça va plaire aux mecs. Parce que les séquences de baston quand même sont assez épiques et plutôt bien stylées. Donc bon voilà, le pitch se tient à peu près encore. Sans la drogue un peu quand même. De quoi? Sans la drogue un peu quand même. Mais non, mais enfin si tu dis ça, ça veut dire que tous les japonais qui font des mangas, ils sont drogués. J'avoue que le mec qui a eu l'idée de Dragon Ball Z un jour en se disant eh putain maman il monte sur la lune puis il voit des lapins et je vais faire deux trucs dessus. Ok, pas de soucis. Va peut-être falloir réduire les médicaments. En tout cas, je vais pas vous spoiler plus hein, que ce que je suis déjà en train de faire, Mais parce qu'on en est encore au début, hein, faut me comprendre, il n'y a que 3 chapitres qui sont sortis pour le moment. Mais il me fallait minimum ça pour vous faire comprendre l'histoire. Alors, attendez les mecs, maintenant il faut que je raye un truc, c'est super important. Il faut que je raye le fait que j'ai réussi à caser le gang à Toto dans une chronique de ma bucket list. Et ouais les mecs, j'ai réussi à le faire. Ah bah grave, grave. Eh, franchement là, c'est celebration time, come on. Woo! Ce soir ça va être la Nouba. C'est vrai qu'il fallait réussir à le placer quand même. Et c'est pas tout le monde qui y arrive quand même. Puis c'est pas souvent qu'on a l'occasion de parler de manga qui parle de Battle Wab. Enfin bon. Donc maintenant, parlons de l'auteur et l'artiste. Donc Amemiya Yuki, c'est la personne qui écrit l'histoire. Et en ce qui la concerne, il n'y a pas grand chose à rajouter à part le fait qu'elle ait participé aussi au manga Zero Seven Ghost, avec Ishihara Yukino, qui est aussi l'artiste qui dessine Battle Rabbit. Donc en fait voilà, c'est un bon duo, ils se sont bien trouvés. On peut dire que le duo marche bien car la série Zero Seven Ghost a bien marché quand même avec 17 tomes de 2005 à 2013 et un animé en 2009. 17 tomes, il faut quand même savoir que c'est un bon ratio. Il y a beaucoup de séries qui ne durent pas 17 tomes, surtout éparpillées entre 2005 et 2013. Et généralement, quand une série se voit adaptée en animé, donc en dessin animé japonais, généralement c'est que ça marche très bien et que ça devient une série populaire. Ouais. Voilà. Après, pour vous faire la comparaison avec la France, hein, voilà, comme ça, on n'a pas encore publié le dernier tome. Presque 3 ans de décollage. Normal. Ouais, non, enfin bon, c'est quand même assez hallucinant. En tout cas. Oui, c'est vrai. Mais enfin bon, on peut dire que le duo part sur de bonnes bases. Mais de mon point de vue, j'ai bien l'impression qu'ils ont quand même trouvé une nouvelle série qui va se concrétiser par un animé. Parce que sur le peu qui est sorti, parce que ouais, comme je vous l'ai dit, il n'y a que 3 chapitres qui sont sortis, donc pas grand chose hein, à se mettre là-dedans. Et d'après leur site, elles ont réussi à se faire sérialiser. Donc ça veut dire que maintenant, il va certainement y avoir des épisodes qui vont sortir toutes les semaines. Ce qui est... Enfin, je vais pas vous expliquer hein, le processus de sérialisation pour les auteurs. Ce serait bien trop chiant pour moi de le faire et pour vous à écouter. Donc je vous invite simplement à aller lire les Bakuman, qui est une série de manga qui explique justement tout ce milieu-là d'une manière un peu japonisée, enfin de manière manga quoi, avec des espèces de batailles psychologiques et autres. C'est super sympa et voilà, vous devriez prendre le temps. Enfin bon, je trouve quand même que ce manga Battle Rabbit est sur une bonne voie, parce qu'au niveau des dessins, ça pourrait donner un animé très coloré comme Nisqua, et les phases de combat pourraient se retrouver animées à la Samurai Champloo, ce qui serait un mix super intéressant. Donc vous l'aurez compris, je pense plutôt du bien de ce nouveau manga. Et voilà, ma chronique est finie là-dessus. Si vous avez envie d'y aller, je vous le conseille, avec des sites par exemple comme Manga Reader, où on peut les lire directement. Et si vous êtes assez vaillant, attendre que ça sorte en tome directement en France. Ce qui pour vous veut dire que vous allez attendre 3 ans et que j'aurai déjà fini bien avant là. Sinon, je vous invite à aller voir les animés dont j'ai parlé et qui sont super sympas. Donc Samurai Champloo, hein, si vous êtes un peu plus comment dire, fan d'action et de dessins assez particuliers et peu fréquents hein, dans les dessins animés. Nisqua, qui est un dessin animé beaucoup plus posé, un peu plus girly, mais quand même très sympathique avec des codes d'animés d'action. Donc c'est... Et puis très coloré, c'est très plaisant. Et sinon, Bakuman, dont je vous ai déjà parlé. Et voilà, maintenant on arrive à la fin de l'émission. Et on va pouvoir, je sais pas, déjà savoir ce qu'ont pensé les autres chroniqueurs de ce que je viens de dire. Peut-être ils ont des choses à rajouter. Non, ouais, ça peut être intéressant. Mais c'est surtout que moi j'avais beaucoup aimé Bleach au niveau des dessins, donc à voir. Ouais, tu devrais vraiment voir, parce que c'est vrai que y a pas mal d'animés qui ont utilisé d'autres codes et du coup qui se distinguent par leur singularité. C'est vraiment très très sympa. Moi, je crois que j'en teste 2-3 autres. Et d'ailleurs, je pensais que t'avais testé Zero Seven Ghost. Voilà, hein, on arrive à la fin de l'émission. Ça s'est plutôt bien passé, j'ai envie de dire quand même. On a passé une heure plutôt sympathique là pour le moment. Oui, ça va, ça va. C'est bien. Tranquillement, tranquillement, oui. Peut-être on reviendra. Oui, bah je pense même qu'on vient. Que vous allez revenir, les mecs. Parce que je vous laisse pas vraiment le choix là. Quand même un peu, non? Non. On a pas envie. Ah bah non, mais là, si, ça si va, t'as pas. J'ai envie de revenir. T'as plutôt intérêt à signer, je te rappelle. Si t'as pas lu entre les lignes, tu es devenu ma biatch. C'était marqué comme as. J'ai pas lu ça, moi. Je voudrais une preuve, je devais avoir bu quand tu m'as fait signer ça parce que je ne m'en souviens pas. Bah tu te souviens pas? Non. C'était le soir avec l'alien. Ah oui, donc je ne me souviens pas de ce soir. Normal. Et donc maintenant il est l'heure de se quitter. On va se dire à la prochaine, c'est-à-dire à dans 2 semaines. À ciao.